Vous écoutez CISM 89.3. Les t'es quand même en train d'écouter CISM, puis t'es vraiment chanceux. La session live vous est présentée par Lagabière. Des bières de qualité pour tous les goûts. Bière classique, sûre, IPA, sans alcool, seltzer. Avec Lagabière, toutes les occasions sont bonnes. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CISM 4 décembre 2025. Vous êtes à la session live cette semaine, studio particulièrement crowdé pour vous, alors que moi-même, Mathieu Aubre et toute l'équipe de CISM recevons ce soir Atsuko Shiba, formation à saveur résolument rock, beaucoup de guitare. Vous allez voir des influences de prog, des influences de punk. On va voyager dans tout ça, ça va brasser particulièrement. Et ben, je pense qu'on peut déjà vous laisser la place, les boys. Just not enough. This rubric of awkward cuffs been loosened by faulty trust. Bruised, it takes just one. Conflicts with the facts and shows. One lens rendered video. Take from sight and soul. Expectation will grow. What I need for love. This push-pin purpose pulled up. Eroded, exposed, I rust. This crippling fear I hide, I must. This is what I need for love. Crude, washed, and covered up. Often veiled and subtle. I broke again, again, again. Sitting across, La pièce Shook I'm Often s'était précédée également de Climax Therapy, une nouvelle chanson d'Atsuko Shiba. On est en studio avec Karim Lagdar, David Palumbo, Anthony Piazza, Eric Schaffhauser et Kevin McDonald. Je pense que c'est surtout avec Karim et David que je vais parler, avoir les setups de, de micro, puis ceux qui ont réussi à se positionner là-bas. Ça va les gars? Super, merci beaucoup. Yes, merci d'avoir accepté de venir nous visiter ce soir, surtout que vous êtes relativement occupé ces temps-ci et peut-être un petit peu moins avec Atsuko Shiba parce que Karim t'a aussi lancé Shoya Shoya, nouvel album de ton projet Boutique Feelings qui au final est un peu vous autres également de manière plus large. J'imagine que ça fait quand même du bien de revenir à ce matériel-là de Atsuko Shiba ce soir. Ouais, man, c'est super, honnêtement. Ça fait un bout que je joue pas de la guitare un peu avec tout le monde. Donc, honnêtement, ça fait du bien d'être dans cette zone-là. Puis, honnêtement, juste après ces deux chansons-là, puis juste parce qu'il y a d'autres mondes dans la chambre, un peu ça me redonne ce feeling-là. Puis pour moi, mais c'est de la maison, it's home, you know, donc pour moi, je me sens très confortable. C'est effectivement comme la maison parce que, on vient de le dire, ton nouveau projet vient tout juste de sortir, mais Atsuko Shiba, ça dure depuis quand même pas mal de temps. 2012, le premier single qui est paru officiellement, j'imagine que vous étiez peut-être formé un petit peu avant ça. Ça s'est passé comment, peut-être la genèse de cette formation? On est tous des amis depuis vraiment longtemps. Puis on est tous été dans des bands à ce temps-là qui allaient nulle part, I guess. Puis on avait des idées en tête de ce qu'on voulait faire. Puis le but, c'était d'avoir un projet sans d'attente, sans style de musique, with no bullshit. Puis je pense qu'au travers de comme cette idée-là, on est tous trouvés ensemble au même moment sans band. Alors, je pense que ça faisait du sens de juste faire quelque chose. Puis, ouais, comme tu as dit, ça va faire 15 ans bientôt qu'on joue ensemble en tant de Atsuko Shiba. Puis, c'est vraiment nice aussi d'avoir la possibilité de jouer avec Boutique Feelings aussi parce que pour nous autres, le reste du band, c'est vraiment cool de comme de jouer ensemble puis d'avoir les mêmes types de points de repère. Ouais. Mais on joue un autre style de musique, notre rôle est vraiment différent. Alors, c'est fun de faire les deux maintenant. C'est super cool pour nous autres. J'ai l'impression que c'est une des choses qui vous a peut-être réunis à la base, ouais. C'est ce plaisir-là d'aller explorer, d'aller trouver des nouveaux styles de musique, d'aller jumeler des trucs qu'on n'aurait pas nécessairement entendus ensemble. Le travail de composition, il se passe comment? Est-ce que vous êtes du genre à vous amener des playlists, à vous inspirer de tout ça? C'est vraiment du jam pur et dur en gang? Je pense que c'est complètement différent à chaque fois, mais honnêtement... On chill ensemble assez souvent, donc en termes de playlist, c'est pas nécessairement on apporte des playlists, mais on écoute de la musique souvent ensemble. Le dernier album, ça s'est fait d'une manière très ouverte. C'est vraiment, on a vraiment jammé, plus ou moins toutes les chansons étaient des jams qui ont été conçues. C'est dans une journée, puis là, on les a travaillés pour faire une chanson. Ouais. Donc pour cet album-là, c'était comme ça. Pour des autres albums, c'est différent, mais comme tu sais, comme quand tu crées une chanson, je pense que je peux parler pour tout le monde ici, des fois, quand tu termines, tu sais jamais comment ça s'est passé du début à la fin. Donc, c'est un peu ça le cas avec cet album-là. Tu sais, on a eu des petites semées d'idées, puis là, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait toutes nos pratiques, puis là, on retournait chez nous, puis là, quelqu'un retournait la journée d'après. Ah, man, ces 30 secondes-là, c'est vraiment cool, on pourrait faire quelque chose comme ça. Puis dans le passé, on n'a pas vraiment travaillé comme ça. On travaillait déjà peut-être de riffs qui existaient déjà. Avec plus des maquettes, ouais, ou des ça maquettes, restait... Ouais, des esquisses, ou voilà, des structures déjà préétablies, plus ou moins. Mais cette fois-ci, c'était vraiment comme, tu sais, on a trouvé des petites idées, puis on a créé des chansons. Puis c'était vraiment une bonne façon, une façon intéressante de créer de la musique. Donc, c'était cool aussi parce qu'en même temps, Climax et Pope's Cocaine sont venus des moments de même. Mais c'est juste drôle parce qu'on a commencé l'écriture de notre nouvel album avec ces deux tunes-là. OK. Puis tout le reste qui venait après, c'était comme dans l'opposé complètement. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, OK, on va les sortir tout de suite, puis ouais, attendre un petit peu de finaliser le reste, parce que c'est ça, on vient d'y faire allusion. Climax Therapy, c'est sorti quoi? C'est sorti en août dernier. Il y avait la chanson Pope's Cocaine à peu près dans ces eaux-là également. C'était votre première sortie depuis un petit peu plus d'un an déjà? Ouais, de Waterfield, 2023. On retournera pas si loin que ça. cet album-là avait eu quand même un assez bel accueil. Vous l'avez tourné pas mal, et pas que à Montréal, pas qu'au Québec. Quelques voyages à l'étranger également. De la reconnaissance dans plusieurs autres médias internationaux également. La découverte du public de ce que vous avez fait, ça s'est fait comment à la base? Parce que je pense que ça peut parfois être un peu challengeant. Il y a un côté psychédélique, il y a un côté quand même dans les constructions qui est un peu plus recherché que beaucoup d'autres trucs. Est-ce que ça a été long d'avoir du public qui comprenne un peu bien vers où vous alliez? Je sais pas s'ils comprennent aujourd'hui. Honnêtement, on a tombé dans le monde du post-rock un petit peu au début, puis je pense en général, ce type de foule-là était déjà ouverte à la musique expérimentale un petit peu. Donc, on a comme tombé un petit peu dans ce monde-là. Donc, on a tourné avec des bands, un band de New Jersey, des bons amis qui s'appellent en fait Au Revoir, qui est quand même assez drôle. On a tourné avec eux aux États-Unis beaucoup. Tu sais, on était là, je pense qu'on a vraiment fait des belles tournées là-bas, puis on jouait vraiment dans ce monde-là un petit peu, pas vraiment dans le monde psychédélique, là on joue plus dans ce monde, je pense que le monde nous met plus dans cette catégorie, le monde décide qu'est-ce qu'on fait, nous on sait pas vraiment. C'est le genre de terme vague qu'il faut, qui englobe tout la fois et rien en même temps. Pour nous, c'est juste c'est que si le monde sont là, je pense en général, on est capable de faire qu'est-ce qu'on peut pour les convaincre que ces types de styles de musique-là, c'est pas des choses séparées, ça vient tout d'une source, tu sais. On essaie de notre mieux de faire ça live, puis on était juste chanceux d'avoir des bands autour de nous qui nous ont aidés et qui nous ont poussés autour des autres publics. C'est vraiment ça. La seule chose dans la musique ces jours-ci, le plus que tu joues, le mieux que c'est. Donc, En effet. Et allons justement jouer de la musique avec un single qui a été quand même assez important pour vous. Single de 2020 qui était paru sur une compilation de Motlan, votre maison de disques. Single qui s'appelle I Just. Peux-tu peut-être m'en parler en quelques secondes avant qu'on aille entendre cette chanson-là? David, tu veux dire? En fait, ce tune-là, puis je pense que le but de cette compilation-là, c'était de faire quelque chose qui est moins... pas quelque chose qui était comme reconnu pour. Alors, c'était un expériment dans le studio en temps de comme, travailler avec l'ordinateur. Pas nécessairement de comme jammer tout ensemble puis like work it out that way. C'était vraiment de comme... De trouver un vibe puis essayer de comme faire des répètes et de changer le processus. Ouais, vraiment de changer de processus, exact. Ben on va aller écouter le résultat de ça avec la pièce I Just. À l'instant, vous écoutez toujours CISM, la session live avec Atsuko Shiba. C'était la chanson Link tirée de l'album Water It Feels Like Grow It Feels Like It's Growing plutôt parution de 2023 déjà. On va aller écouter quelques choix musicaux de la part d'Atsuko Shiba, trois groupes. Le premier étant un groupe que j'ai particulièrement apprécié cette année. Une formation qui s'appelle Water From Your Eyes avec l'album It's a Beautiful Place. On va écouter la pièce Life Signs. Petite interlude donc. Et on revient tout de suite après avec le reste de l'entrevue et d'autres chansons du groupe. Vous écoutez toujours, c'est ISM. Thank you. tell me where to go. Smashing down the wall. Down in Mexico. Tell me how you feel. Am I on your mind? Do you need a lift? Have we got the time? Yeah, yeah, but I'm your machine. Turn me on and on. That is wasted time. Bombs are going off. Bodies in the streets. Panic in the pipes. Screaming fills the air. It's going down tonight. It's going down tonight. We hold the keys. We turning these locks together. You hold the dust. You too long. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. But there's no light inside. We hold the keys. We turning these locks together. You hold the dust. You too long. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. But there's no light. Complicated times, let me ease your mind. I'm your machine, let me do the time. Here's the drudge of fear, tearing us apart. But I am your machine. I was made to last. Yeah, yeah, yeah. Dribble from a grin. Jig away the sin. Toast the burning times. This Merlot tastes divine. Yeah, yeah, but drunken power plays. So much on the line. Emerge from the sea. Embrace it from behind. Embrace it from behind. Yeah, we hold the key. Together, you hold the dust, me so long. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. Yeah. But there's no light inside. Yeah, yeah, yeah, yeah. We hold the keys, we turn in these locks together. You hold the dust, me so long. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. Yeah. But there's no light inside. Quelques sélections musicales de Tsuko Shiba. Vous êtes toujours à la session live de CISM. Mathieu Aubre avec vous pour encore une quinzaine de minutes avec Tsuko Shiba également. Ghost Poet, la pièce qu'on vient de s'entendre, c'est l'artiste, le nom de cette chanson, Nowhere to Hide Now. Découverte pour moi, c'est le seul groupe des trois que je connaissais pas. Je pense que Idols, on commence à bien les connaître, qui jouaient juste avant, puis Water From Your Eyes, on en a discuté. Qui est-ce qui a choisi ces différentes chansons-là? C'était des choix communs? C'était moi. C'était toi qui a choisi ça. Puis, tu t'es lancé dans le playlisting. Oui. Ben, en fait, je voulais juste choisir des tunes qui représentaient les tunes qu'on présente ce soir. Ouais. Puis je pense que Water From Your Eyes et Idols For Sure sont deux bands qui sont pas peur de comme se réinventer puis de changer de leur path à chaque album, puis des fois dans le même album de tune en tune. Puis Ghost Poet, j'aime juste vraiment la tune, c'est une très très bonne chanson. Puis si vous autres connaissez pas cette band là, je suggère fortement d'aller écouter ça. Oui. On en a parlé un petit peu de Water It Feels Like It's Growing. Oui. Tu sais, de l'album un peu Verlaine pour moi aujourd'hui qui pourrait être plus réveillé. C'est un album, je l'ai dit, qui a eu un bon accueil. C'est un album aussi que vous avez lancé sur cette étiquette qu'on a nommée tantôt, Motland, l'étiquette qui commence à se faire connaître très très bien ici, notamment à CISM à Montréal, de manière plus générale, qui vous ont accueilli à bras ouverts autant pour Atsuko Shiba que pour Boutique Feelings. Ça doit faire du bien de s'être trouvé une équipe comme ça professionnelle après plusieurs années d'indépendance puis de risques un peu plus assumés que vous preniez par vous-même. Yeah, I mean, je pense que Motland est le type de maison de disque qui te laisse aller, alors il te change pas, puis on n'a pas changé pour eux autres, eux autres non plus. Alors, c'est une bonne relation dans ce sens-là. Tout le monde peut faire ce qu'il doit faire pour arriver à la, au but. Yeah, au but commun. Puis, ça fait un petit bout qu'on travaille avec eux. Puis, on est vraiment hâte de lancer notre prochain album bientôt avec eux autres aussi. Est-ce qu'on a déjà une date approximative pour cet album-là? Ouais. Ça va être en 2026, for sure. Ouais. Je peux dire ça. Dans les débuts de 2026. OK. Je pense que c'est assez... Vous aimez ça lancer des albums tôt dans l'année quand même? Yeah, right away, man, right away. Water, je pense qu'il était sorti comme en février ou quelque chose. Ouais, fait qu'on se l'était déjà bien mis dans les oreilles avant la grosse saison de festival. Puis parlant de festival, justement, en spectacle à Atsuko Shiba, là, on entend un petit échantillon ici, peut-être un peu plus tranquille et serein que ce que ça pourrait donner dans une salle de spectacle à 2h du matin. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme énergie? Est-ce que qu'est-ce que vous voulez que la foule retienne de vos spectacles quand vous allez donner ça? Est-ce qu'on veut que les gens soient un peu plus attentifs? Est-ce qu'on veut des Wall of Death à plus finir? Y a-t-il comme une attente de votre côté? On veut tout, en fait. mais pas tout d'une personne, mais qu'est-ce qu'on veut essentiellement, c'est... on aimerait qu'il y ait des personnes qui soient attentives, on aimerait des personnes qui se défoulent, on aimerait des personnes qui font les deux. Vraiment, l'idée, c'est que tu viens, puis c'est toi qui décides qu'est-ce que tu prends. Donc, je pense que la musique a assez d'espace pour tout ça. Donc, on peut offrir toutes ces choses-là. Mais je ne sais pas si on pense trop à comment la foule va réagir, pour être très honnête avec toi. Comme on est ça, les tunes ne sont pas écrites pour du show. Là. C'est vraiment des... Vous êtes plus des bébites de studio. Là. Ouais, mais oui et non, mais on est notre propre foule. Si ça nous défoule, si on aime ça, mais je pense que c'est vraiment la... C'est pas la seule chose qui est importante, mais je pense que si t'aimes quelque chose d'habitude, il y a quelqu'un quelque part qui aime ça, puis si tu te défoules sur quelque chose ou si t'es attentif parce qu'il faut l'être, mais je pense que tu vas trouver ça. Puis donc, mais en toute honnêteté, on pense pas trop à ça. Donc si tu veux venir puis écouter, si tu veux venir danser, mais c'est ouvert à tout ça. C'est ouvert à tout le monde. La prochaine chanson qu'on va aller entendre de votre bar, parce qu'on va retourner en musique pour un dernier petit bloc de deux pièces, ben, un petit bloc, c'est une assez longue pièce, comme vous en sortez régulièrement, la pièce Sunbat, la prochaine qu'on va aller entendre. Encore une fois, est-ce que vous pourriez peut-être me la présenter rapidement, me dire un peu de quoi ça parle, cette pièce? Sunbat, comme en termes de thème, je sais pas. Ça fait un bout que ça s'est sorti, donc j'imagine si je le réécoute aujourd'hui... Ça ne voudrait pas dire la même chose. Ça dit quelque chose d'autre, mais je pense que l'idée, en fait, c'était durant COVID, comme tout le monde écrivait, puis Kevin avait envoyé comme une petite idée avec le drum beat et la loop qui passe au début. Puis là, on s'est passé la chanson comme à travers des courriels, des choses comme ça, une chose qu'on n'avait jamais faite. Donc okay. La chanson a pris forme vraiment sous ce contexte-là. Puis ça, c'était intéressant parce que ça vraiment... je pense qu'on a écrit quelque chose qu'on n'écrirait pas d'habitude de ce côté-là. En termes de thème, c'est juste... moi, je sais pas. Moi, quand je pense... Moi, personnellement, quand je pense à cette chanson-là, c'est... Je sais pas, t'es sur un avion et tu regardes un terrain vaste. C'est je sais pas, je peux pas... C'est plus une impression que quelque chose de direct. Ouais, donc... Ben, on va aller se transporter sur cet avion pour regarder le très grand studio de CISM avec Atsukoshiba et Sunbat. Continuously changing. Atsukoshiba, nouveau single, Pops Cocaine, s'est paru un peu plus tôt cette année. Karim, David, Anthony, Eric, Kevin, merci énormément d'être venus nous voir en studio. Aujourd'hui, pour ceux qui voudraient vous voir en spectacle, ben ça va prendre quand même un petit bout de temps, le temps que cet album paraisse, mais vous serez en spectacle avec Boutique Feelings le 17 février prochain du côté du Pantoum dans le cadre du Fuck Off, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir été là et on... C'est à vous. j'allais dire. Ben, ça nous fait grand plaisir. Ça nous fait très grand plaisir. On s'en retourne au reste de la programmation régulière de CISM pour la fin de la soirée. Mais merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de cette session live avec, encore une fois, Atsuko Shiba. Bonne soirée. Allô, ici Joe Grass et Frank Lafontaine du groupe Klaus. On est très heureux de vous présenter notre nouveau disque qui s'appelle Klaus 2. Bonne écoute! Non, pas ça. Non, pas ça. Ben voyons donc. Ah. Dérouté. Chaque semaine, 15h, sur les ondes de CSM 89.3 FM. Salut, ici Loïc Lafrance, vous êtes sur les ondes de CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.